saison. Printemps, été, automne, hiver. Au printemps, en été, en automne, en hiver. Example sentences. C'est le printemps. C'est au printemps. C'est l'hiver. On est en hiver.